de 20h à 23h, Vince vous parle sur Fun Radio. En même temps, vous avez déjà entendu un animateur radio qui ne parlait pas ? Oui, Vince vous parle. Enfin, on est en train d'essayer de le chercher. C'est vrai que Paris est grand et... Ah, c'est long. Et mais ah, il passe pas inaperçu. Hein. Il est belge, il est black, donc normalement, on ne devrait pas avoir de mal à le trouver. Il était dans le Vinfeld, il était bien, hein, le patron. Ouais. Il était très bien, ouais. Ça peut... Les lèche-cul en puissance ici. Ça va, Coralie ? Oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Ah, oui. Kaufman en leader, ça, oh, putain. C'est... Ah, c'est beau. C'est beau la vie, des fois, tu vois. C'est... Attends, à mon avis, vu ce que j'ai entendu, on pourra faire que mieux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pas faux. Mais j'entends pas Vince, c'est bizarre. Essaye de parler à Vince pour voir. Allô, patron ? Ah, on l'entend de très loin. Ah, je sais, il faut que tu montes le son sur IPDTL. Ah, d'accord, merci bien, c'est gentil. Attendez. Ah, on y arrive, les gars, on arrive. Bah, faut dire qu'on n'a pas mis le meilleur à la technique. Hein. Ah, non, effectivement. C'est comme une équipe de foot, on a essayé de mettre les attaquants en pointe, mais il restait rien en défense, malheureusement. Ouais, attends, je commence à l'entendre un petit peu, là. Oui, patron, on vous entend. Ah. Attends, oui, attends. On t'entend. On y est presque. On y est presque, attends. On t'entend de loin. Et je suis au maximum. En même temps, nous on est partis en Californie. Je peux pas rien faire d'autre, je suis au maximum. Hein. Bah, je crois que c'est vous les gars, parce que nous on est tout au maximum. Hein. Bah, attendez, mais non, bon, je suis tout au maximum aussi. Comment ça vous m'entendez pas bien? Bon, on t'entend d'un peu loin, quoi, voilà. Bon. C'est pas grave. Vous m'entendez d'un peu loin? Ouais. Vous avez craqué, hein. Technicien, bonsoir à Belgique, bonsoir. Bon, Anna. Non, mais attends, il y a Lara qui est avec Est-ce nous. Est-ce que moi vous m'entendez? Ah oui. Et toi, on t'entend, Lara? Bonsoir. Et j'adore faire les tests en direct à l'antenne. De toute façon, on s'en bat les couilles. C'est génial. Alors ? Alors ? Belgique, ah, là. Bien joué, Max. Mais Max, excuse-moi. Max Open Space. Max Open Space. Merci Open Space pour l'aide généreuse et bien faite. Max Open Space à 23h. Fais la promo, t'as vu, cadeau. Bon, François Zich, est-ce que tu m'entends ou pas ? Ah, voilà, je t'entends beaucoup mieux là. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, tu vas bien fermer ton gueule, hein, t'as compris ? Alors, Vince n'est plus là. Comment ça se passe ? Je gère la technique, Vince. Hein. Fais pas le rigolo quand même. Hein. Alors attention, je suis d'accord que t'as les accès, mais dis-toi un truc. C'est qu'il paraît que j'ai reçu plein de messages d'auditeurs. Comme quoi ? Il paraît que tu as bien foiré les passage publicitaire de l'émission. Ah, je vais t'expliquer. Ah, je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé exactement. C'est qu'on a Fabien du 13h-17h qui anime le flux, qui devait brancher le lien avec la France depuis deux jours. Sauf qu'il a oublié la carte chez lui. Mais c'est normal, c'est le mec que tu mets tout le temps dans la radio par le contrôle. C'est vrai. C'est évident qu'il va pas pouvoir gérer ça. J'aurais dû me méfier, effectivement. C'est pour ça. À propos, Vince, bonsoir. Hein. Bonsoir, ça va bien? Attendez, ça fait une heure qu'on dit bonsoir. Voilà, merci. Ah, pardon. Eh oui, parce que Lara est avec nous ce soir. Ah, il y a la belle rose. Bonsoir la Belgique. Voilà, bonsoir. Alors Kaufman, depuis là tout à l'heure, nous c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de dire bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ouais. On s'est dit bon bah les amis, on va sur les champs, on va boire un truc. Oui, parce qu'on est sur les champs. Comment ils se la pètent ? Ouais, t'as vu ça ? On n'est pas loin, ouais, c'est vrai. Effectivement. Alors rapidement, je voudrais juste parce que l'émission Love in Fun est exceptionnellement passée pour la deuxième fois dans toute la Belgique aussi. C'est quand même quelque chose d'assez cool. Je voudrais remercier Alice parce que j'ai pas l'occasion. L'émission elle a été finie rapidement et tout. Alice, merci, t'étais merveilleuse. Bah merci à toi, ça nous avait vraiment plaisir de t'avoir ce soir. Voilà. Pour la deuxième fois dans l'émission. Exactement. Alors, juste un truc, si maintenant t'as envie de dire des choses que tu peux pas dire en temps normal, vas-y. C'est moi, c'est mon antenne. Donc vas-y. Là, on m'entend en Belgique. Là, on t'entend dans toute la Belgique. Ouais. Belgique. Grave. Bisous, malheureusement. Alors, l'enfant qui a dit malheureusement, il s'appelle David Barbet. Attention, on parle de lui qui va travailler chez Cyril Hanouna. Ah, t'as vu ça, la rumeur enfle même à Paris. Hein. Ah, j'ai jamais entendu parler. Ah, ouais. Bah, moi non plus. Je te connais pas non plus, comme ça on est deux, t'inquiète mais pas. Mais si, on la connaît, Alice, c'est celle qui aime quand ça glisse. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Je crois que c'est la blague qu'on lui a jamais fait. Ah non, c'est la première fois que je l'entends, vraiment. De sérieuse. Mais non, bien ce qui me semblait. Bien ce qui me semblait. Voilà, je remercie aussi Ryan. Ouais, bah, alors, merci à toi. Ryan, c'est particulier. Ah, j'adore. On va parler vite fait dans le Love in Fun. J'adore. Barbet qui dit ah, je l'adore. Ça a fait gaffe. Alors, je pensais que t'étais en couple, Barbet, mais bon, tout va bien. Mais non, mais lui, il fait bien son boulot, tu vois, voilà. C'est pour ça. Lui. Non, mais c'est vrai, c'est un très bon standardiste. Alors, j'ai envie de dire un truc à Coralie, fais gaffe à toi. Parce que la chambre de ma mère, elle peut bientôt aller chez notre ami là. Ah. Bah vas-y, remplace-moi. Oui. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, j'arrive. Bon, t'es prêt, tu montes sur Bruxelles là? Oui, pas de soucis. La vie est belle, voilà. Et alors, les gars, pour vous dire vraiment, Françoise, c'est mon coprod. Oui. Il est le seul, tu vois. Ouais. C'est mon coproducteur, on a une standardiste et tout ça. Ici à Fun Belgique. Alors, on a Maxime, le coproducteur. À Fun France, pardon, là. Max, depuis là tout à l'heure, il est là sur son ordinateur. Préparation d'émission. Non, mais je vous donne un petit peu les coulisses de comment ça se passe en mode ultra sérieux. Genre, ok, bon, à telle heure, il va y avoir ça. Il est venu à un moment donné avec une conduite, heure par heure, et j'ai envie de dire, Max, c'est la première fois de ma vie que je respecte une conduite d'émission. Ah oui, on l'a entendu. Hein. Ah, ça, on l'a entendu. Hein. Tu cites même la page Facebook de là-bas, c'est pour te dire que tu fais bien ton travail. On s'est demandé si c'était le bon Vince, tu vois. Grave, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas cité une seule fois Libre en tête Vince. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai ça, c'est juste, non mais excusez-moi, quand on est à Paris, vous savez, on est entre français. Ouais, tu nous as déjà oublié, c'est ça, ouais. Ah, et tu t'appelles comment? François. C'est bien ce qui me semblait. Voilà, et puis je remercie aussi Kassim, et il est beau gosse le mec, hein. Ah, il est beau gosse. De toute façon, c'est tous les gens, vous pouvez les voir, vous allez sur la page Lovin Fun, tranquille, voilà, puisque il n'y a rien à faire, Kassim, le mec, il gère, mais de la réa, mais comme un dieu. Alors, ouais, il est fort. Avec ma bite. Ah, ouais. Et en plus, avec sa teub. Non mais Françoisich, franchement, il a passé toutes les pubs parfaitement lui, hein. Oui, d'accord, bah prends-le, on peut échanger sinon, hein, y a pas de souci. Ouais, mais t'es bien payé ou pas, parce que c'est... Ah, c'est la question. Alors, si t'aimes être payé, tu vois, le SMIC en France, il est de 1200 euros, bah tu le divises par deux. Mais ça dépend s'il y a des meufs, hein. S'il y a des meufs, moi je débarque. Mais bah, à moi, écoute. Ah, t'inquiète pas. Ah merde. Non, non, pour les meufs, je vais gérer ça, y a pas de problème. T'inquiète pas, je vais aller un moment en boîte et tout ça. Y a un endroit qui s'appelle le Carré, tu vas kiffer. Okay. Cela dit, s'il est pas bien payé, c'est parce que c'est à l'échelle belge, au niveau belge, ah, le loyer coûte moins cher. Donc voilà, donc on. Par rapport à la taille du pays aussi. Voilà, exactement. C'est pas pour rien qu'il y a Arthur et tout ça qui viennent chez nous, hein. Ils vivent chez nous en Belgique, hein. Ils sont voisins. Et ils bossent ici, ouais, ouais. J'espère qu'il a le Thalys, le mec, hein. Il doit être bien. Bon, en tout cas, je vous remercie, l'équipe du Lovin Fun. Merci à vous. Vous allez partir vraiment maintenant? On peut attendre, genre, dans 50, 48 minutes, qu'on aille se boire un verre après? Non, non, on a une vie, là. Attends. Allez, les gars. Allez, putain. C'est bon, moi, j'avais envie de retourner des champs et tout. Venez, on va sonner à l'Elysée, on va réveiller François Hollande. Ah, ce serait bon, ça. On va à nuit debout et tout. Non, je suis trop chaud, tu sais. Ils sont blasés, ils ont passé une longue journée, là. Mais le Belge, il nous casse les couilles, là. Voilà. Non, mais franchement, merci, les mecs. Vous étiez merci au top. Merci à toi. Merci, voilà, à toi. Dédicace de la Belgique à la France. Putain, il nous a jamais ça, dit ça, nous. Ouais, t'as vu ça, ouais. Putain. Bravo. Bon. Bravo, hein. Voilà. Alors, les amis. Hey, alors, Kaufmann, quand même, une chose très importante. Comment tu vas? Bien, merci. Mais c'est gentil de le demander. À 22h13, je me suis dit, ça y est, il nous a oublié. C'était court, hein, quand même, pour nous oublier, mais bon. Les gars, court comme ta bite. Oh, oh, oh, oh. Non, non, sérieusement. J'allais dire long comme ton front, mais non, non, sérieusement. Kaufmann, ce serait cool que vous veniez une fois un jour ici, comme ça. Je sais pas, il a déménagé. T'habites là-bas ou quoi? Mais, alors j'ai été voir un notaire ce matin, hein. il s'appelle Maître Millier, c'est pas une blague, hein. il est très sympathique, hein. Maître Millier d'euros ou quoi? Voilà, t'as compris. Bon les amis, on va se remettre dans notre cours normal de la libre antenne, il est évident pour toute la Belgique, jusqu'à 23h. Alors on va faire un programme qu'on fait en 3h, en exactement, si on va y arriver, en 30 minutes, ce qui va être impossible. Alors qu'est-ce qu'il y a à suivre dans l'émission, Françoisich, dis-nous tout. Alors t'as le relou style, t'as le piège tes parents, on peut se faire aussi bien, un mot de la fin, tu décides. D'accord. Je un mot de la fin. Non, on va pas commencer. Par Lara, elle kiffe. Lara, c'est son jeu. Ouais, c'est mon voilà. Jeu. Et d'ailleurs, les gars, les auditeurs de Belgique, je voudrais que demain, il y a un maximum d'auditeurs, mais vraiment un maximum. Je m'en fous des carrières d'identité. Vous venez à Fun Belgique demain, 33 avenue Télémac. Demain, il y a un événement spécial pour Lara. Ah, vu. Attends, deux. Il y a quoi? Ça, je dis rien. Ah, écoutez, vous avez un reminder sur votre Facebook qui permet de connaître une chose précise. Ah, c'est son anniversaire. J'ai pas de profil. Ah, oui, c'est vrai, t'as plus de profil. Non. C'est pas grave, j'en ai invité. C'est son anniversaire. Ah, exactement, c'est l'anniversaire de Lara demain. Ouais, c'est vrai. Donc je compte quand même sur vous, s'il vous plaît, pour prévoir quelques petits cadeaux, quoi. Oh. Tu comptes sur nous, à nous, là? Je suis gênée. Bah oui, je compte sur vous, à vous. Ouais, bah compte sur Kaufmann pour les cadeaux, hein, parce que. ça marche. Bon, les amis, vous savez quoi? On va se faire un son, il y a quoi qui arrive là? Il y a Rizza, je m'en fous. Ah bah on l'a déjà passé. Ça je m'en fous sur Fun Radio, on va se le faire tranquillou. On arrive dans quelques instants. Le piège tes parents qui est prévu. Relou style, le principe est simple, on téléphone à des restaurants et il faut pouvoir tenter d'énerver la personne en premier. L'animateur qui arrive en premier gagne. Bienvenue sur Fun Radio, libre antenne. On arrive tout de suite, piège tes parents. Let's go. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. C'est les regards qu'on me lance. Désormais je m'en fous. J'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts, quitte à tout foutre en l'air, ouais au fond. Je m'en fous, rien à faire, tu as raison, oui j'ai tort. Moi je préfère me taire, ouais au fond. Je m'en fous. Fun Radio. J'écoute Vince de 20h à 23h car ça met de bonne humeur. Ah bah bien sûr que ça met de bonne humeur. Bienvenue sur Fun Radio Libre Antenne. On est en direct dans toute la Belgique bien entendu. J'espère que ça se passe bien pour vous. On a Kaufman dans la place. Ça va Kaufkoff? Ouais, ça va et toi? Mais ça va très bien. On a également notre ami David Barbet alias le Françoisiche. Toujours bien Françoisiche? Ça va, ça va. Ah parfait, et puis Coralie au standard 02 851 4x0, vous pouvez l'appeler si vous le désirez. Émission qui a été un petit peu spéciale aujourd'hui, je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de contenu en l'espace de quelques heures. Ah, on a commencé avec le lobby. Tu t'emballes là, hein. Non mais attendez les gars, quand j'ai autant de contenu, vous, laissez-moi terminer, c'est-à-dire que d'abord on a le Love in Fun, puis là on passe en mode Vinci Brantaine, et après on a Mike Open Space. Oui c'est ça. Voilà, et on a entendu un passage de Marion Hanso qui font l'équipe, l'émission pour la France. Oui c'est ça. Voilà. Ouais. Ah, c'est un vrai bordel. Ah, alors, l'auditeur. C'est passé en Belgique? Ouais, oui, elles aiment pas ton Belgique. Cul. Hein. Non, ouais, non, grave, je l'ai montré, elles ont pas kiffé. C'est dommage. T'as hein. montré ton. Ah, j'ai montré mon cul à la fenêtre, ouais. Ah oui. Ah ouais, ouais, ils m'ont battu les couilles. Moi, je me suis dit, ah tiens, je dois montrer mon cul, et ben on va le voir. Elles ont pas assumé après. Hein. Non, mais juste un truc pour l'auditeur quand même qui a dû se perdre en se disant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a combien de voix? Il y a quoi? Ils sont combien? Mais ils sont combien? Voilà, bon les amis, piège tes parents. Alors, juste un truc, je voudrais que si Coralie peut m'envoyer le mot de passe des SMS, ça me ferait plaisir. Ok, je te l'envoie tout de suite. Ah, c'est gentil sur Facebook, parce qu'en fait, je vous explique, on a un système qu'on peut prendre partout un petit peu dans le monde, oui, pour voir les SMS au 3044, les voilà. SMS que vous nous envoyez. Mais ça me fait mal faire une émission, je peux pas les lire, donc Coralie va m'envoyer le login qui me permettra de les lire sans souci. Oui, parce qu'on fait tout à l'arrache. Hein. Ah, merci, c'est gentil Coralie. Bah, là, c'est un peu de Belgique en France en soi. Voilà, là, c'est ça. Voilà, c'est freestyle. Et Françoisiche, là, c'est ça qui est bien, c'est qu'il est à la console, donc ouais. C'est une merde, c'est pas grave. C'est y a lui. Pas, non, c'est pas grave, pas ça va. Non mais franchement c'est pas grave. Tu sais que si ça se passe sur Fun France, mec, t'es viré tout. Non mais sérieux, tu peux lui dire merci hein. Ça fait 2 heures qu'il est en train de se casser le cul pour que ça fonctionne hein. Mais il sait que je suis un gars reconnaissant, il sait que je le salue Barbet. Ah, tu vas avoir un verre d'eau. Alors dis-moi Bon, vous avez fait quoi là aujourd'hui là? J'allais lancer le piège tes parents et toi tu arrives et tu me coupes ouais, comme ça là. Enfin, nous on était ici, eux ils ont fait quoi? Ils sont glandés. Écoute, on s'est baladé du côté des Champs-Élysées. Ouais, c'est trop bien quoi. On était mangé des macarons à la durée. Oh, trop bon quoi. Non, là c'est ce que nous on a fait. Mais... Bah rien, il a plu ici. Il a plu. Gros orage. Hein, gros orage. Inondation. Alors, hein. alors ici, il a fait un temps. Mais laisse tomber. Mais on vous emmerde. Ah j'avoue, bonheur. Plein soleil, on était bien, on s'est baladé, tranquille. Et ce qui est cool, c'est que le soleil nous a suivis. Comme quoi, on sait qu'il porte chance dans cette radio ou pas. Hein. Ah voilà. Et je suis sûr que Kaufman, c'est le petit côté ensoleillé, tu vois. Le petit côté ensoleillé, mais finalement... Non, je rigole. J'adore parce que je suis sûr que Kaufman, il fait une tête genre... Mais il se la pète. Ouais. Le gars, il est parti un jour, on le reconnaît pas. On va l'appeler monsieur quand il rentre. S'il te plaît. Alors bon, on a le piège tes parents qui débarquent tout de suite. Oui. Fais-nous un petit peu le topo, Françoisiche. Ah, piège tes parents, c'est Laurence qui a 29 ans, qui habite à Liège, qui va piéger sa mère. Ouais, elle va faire croire à sa maman qu'elle va rejoindre son petit ami. Excusez-moi, dès demain. J'ai lâché un paix, vous en voulez pas? Mais on a rien entendu, on a fait semblant de pas entendre. J'ai encore un paix, attends. Oh, ouais. Ah oui, j'étais prêt pour l'envie. Non, mais en France, il a tout donné. Encore un coup. Ah, oh ouais. Maintenant, il se lâche. avec résonance magnétique et tout, la totale. Hein. Pouf, ça t'éteint un ordinateur. Tu dois faire ça. Caca, bon, Vince, ouais. On peut attendre. Hein. Non, ça va, les gars. Donc, c'est quoi la blague qui va. Donc, elle va faire croire à sa maman, ou en tout cas, essayer de lui faire croire qu'elle est partie demain aux États-Unis pour rejoindre son petit ami qui s'appelle Brian. Donc, c'est là que tu peux intervenir. Tu es Brian ce soir, Vince. I'm Brian. Okay, voilà. Ça va très bien. Alors, and where is Brian? In the kitchen. In Paris? No, he's in Paris. Excuse-moi, j'ai encore lâché une caisse. Oh. Bon. Bon, alors, tout va bien. Elle s'appelle comment, la demoiselle? Laurence. Laurence. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, tout le monde. Ça va, Laurence? Tu vas bien? Ça va. Ah, tant mieux. Ça va. Il pleut un petit peu ici, mais ça va. Mais putain, ça a vraiment... Leur dis pas ça, ils vont dire qu'il fait soleil là-bas. Ah ouais, même à 22h22, pas de problème. Oh, il est 22h22. Oh putain, merde. Merde. Elle l'a vu. Alors, vous inquiétez pas, ici on voit quand il est 22h22, c'est écrit partout. Ah ouais, c'est écrit partout, là, on voilà. À côté. Hein. Bon, d'ailleurs, dès qu'il y a eu 22h22, il y a eu un jingle Lara. Ouais, c'est... j'adore. Bon, en attendant, ce qui va se passer, Laurent, c'est qu'on va appeler tout de suite, donc si je comprends bien... Ta maman. Ta mère. Ta maman. Oui. Moi je vais me faire passer pour Brian, mais après d'abord t'essayes un petit peu de l'emballer, on voit un peu ce que ça donne, ça va? Ok. C'est parti, on appelle Coralie au standard, compose numéro téléphone, ouais. Et pour ceux qui viennent se brancher sur Fun, qui comprennent pas trop ce qui se passe, eh ben on est en connexion depuis, Lara et moi, depuis Paris. Ouais. Et nos amis ils sont à Bruxelles, c'est voilà. C'est la technologie. C'est la magie quoi. De la radio. Ah c'est énorme. Et si allez. Ça se passe bien comme ça, je fais ouais. Un studio portable et je me le fais à l'étranger. Hein. Ah, c'est... On va y aller là Vince. Ça va sinon Vince. Appelez les gars. Moi, allez on y va, c'est parti. On s'arrête. Tout est figé. Retenez votre respiration. C'est le moment de piéger vos parents. On appelle. Exactement, on piège vos parents, c'est parti, on appelle. Vos messages au 3044, on les check en live. Hein. Allez. Non mais Amir, il n'aime pas les... Non. Ouais. Ça va? Ouais, je dors. Bah oui, je sais bien, mais voilà, mais je t'avais dit que je devais te venir pour quelque chose, te dire quelque chose d'important en fait. Je suis venue à la maison pour m'aider, c'est parce que en fait voilà, j'ai décidé demain je m'en vais, je pars de chez Memen. Ouais. Et je sais pas comment lui dire et tout ça, et en fait demain je pars carrément, je change de pays. Je vous avais parlé de New York fin d'année, mais en fait je pars demain. C'est ça. Ouais. Si je te le dis, maman, franchement, je vois pas pourquoi je mentirais. Je vous en ai parlé tout doucement pour voir comment vous alliez réagir, mais voilà, je pars demain à New York et voilà, parce que j'ai mes raisons et j'aimerais que vous respectiez mon choix à ce niveau-là et voilà, je sais pas comment le dire à mes mains. J'ai préparé mes affaires, j'ai tout mis dans la voiture, mais elle est rentrée, et je sais pas comment lui dire. Donc d'abord, je te sonne déjà à toi pour te le dire. Donc voilà. En fait, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui vit là-bas et je vais le rejoindre demain. J'ai l'avion demain dans l'après-midi. J'en ai pour 12 heures de vol. Et je reviendrai sans doute pendant les grandes vacances pour venir vous voir et les fêtes, mais pas tout le temps, quoi. Ça paye une autre. Quoi? Ça paye une autre histoire à raconter. Je vois pas. Non, je t'ai dit que je voulais te parler sérieusement, je te parle sérieusement là. Moi je te fais des blagues, tu le sais bien, je vois pas où je te sonnerai, je t'enverrai un message, mais là c'est pas une blague, maman. J'ai tout préparé, tout est prêt, j'avais déjà été chercher mon passeport et tout, je pars demain. Bon. Et quand est-ce que tu as fait ton passeport? Pardon? Quand t'as été chercher ton passeport? J'ai été chercher mon passeport il y a 2 mois, à la commune, à Liège. Ah ouais. Bon, alors, tu peux dormir maintenant. C'est tout ce que ça te fait. Je me casse, j'abandonne tout, je vous laisse tranquille, et c'est tout ce que ça te fait. Ouais, parce que je sais pas après, pour le deck. Je vois pas pourquoi je mentirais, maman. Ouais, le truc, c'est astuce. Ben, je les prends avec moi. Si j'ai enlevé les cages de la chambre, tu crois que c'est pourquoi? Tu ne peux pas les prendre avec toi. Ben, si, je peux. J'ai une dérogation à l'aéroport. Ouais, besoin de venir dormir. Ouais. Ben, si je te le dis. Ouais, on en reparlera, mais... Demain, je serai parti, ce sera trop tard. Laurent, Hey, j'ai vraiment l'impression que ta mère, elle est un petit peu... Comment vous dites encore en Belgium? Elle est un peu conne. Ça lui arrive, ouais. She's really... Yeah. Elle est c'est pour ça. Really fucking big head, yeah. Give it to me. Ok. Hello? Oh, mais elle a raccroché, Merlin, mais c'est pas vrai! Elle a pas voulu me parler! Elle a raccroché. À mon avis, elle avait un peu bu, hein. Alors, déjà, la maman, alors Laurent, si je me permets, la maman, elle dormait! Casse-toi, je dors, moi! C'est vrai que t'as des gens quand ils dorment comme ça. Ils peuvent décrocher, avoir une conversation sans s'en rendre compte. Non, mais le pire, c'est que tu leur annonces: maman, papa, c'est la fin du monde, il y a les météorites qui sont en train de s'abattre sur Terre, ta gueule, je dors! c'est ouf! Alors, ma mère, ce qu'on va faire. C'est ça quand même, hein. Guerre du monde, c'est ça. Attends, je vais la rappeler, je vais lui parler direct. Ok, ça c'est. On va l'énerver quand même. À suivre sur Fun Radio, on a le relou style. Je vous rappelle, on vous offre votre tablette, tablette Samsung Galaxy View 18 pouces, 650 boules, cette affaire-là. C'est le salaire du front de maintenant. Allô. Elle t'entend. Hello. C'est Brian. Hey, mais t'es relou comme femme, toi. T'as pas envie de rouvrir un petit peu ta bouche? Hello? La maman de Laurence, on va partir demain. Donc si vous voulez faire un dernier kiss-kiss bang-bang, il faut le profiter maintenant, parce qu'après, c'est terminé. Elle t'entend, mais elle répond pas. You asshole, motherfucker, reply me! Ouais, madame la maman de... Hey, si... Si je vais, vous savez quoi, si vous répondez, je suis d'accord qu'on postpose le voyage. C'est pas vrai, mais... Je crois qu'elle a posé le téléphone. Elle a décroché le téléphone, elle a tapé sur le côté en mode je m'en bats les couilles. Dis-lui que tu vas lui apporter du whisky. Bon, je vous rappelle tout de suite, je vous rappelle tout de suite. Vas-y, raccroche. Hop, j'ai raccroché, c'est vrai. Eh mais putain, mais elle est relou ta mère, Laurence, elle parle même pas. Non mais y'a pas moyen là. Attends, c'est ouf, elle s'en bat les steaks, c'est un truc de ouf. Il y a des gens comme ça parfois. Attends, tu sais quoi? On rappelle, tu lui parles toi et puis. Tu sais quoi? Tu lui dis même pas que c'est fun. On raccroche comme ça au pif et elle se débrouille. Donc on rappelle, c'est bon, Vince? Ok. Ouais, on rappelle, mais c'est elle qui va parler. Ok, très bien. Ah ouais, mais c'est une. Hop, calme-toi, toi. Allez, ça va sonner. On appelle. C'est parti. Allez, standard. Oui, standard. Et c'est ouf quand même, hein? Ah ouais. On annonce un truc genre je me casse et tout, s'en fout. À mon avis, elle doit lui faire la blague tous les deux jours. À décrocher. Allez, Laurence. Maman ? Ah, c'est la messagerie. Non. Elle est en ligne. Allez. Ah si, c'est la messagerie, putain. Maman, rappelle, s'il te plaît. Décroche. Mais attends, est-ce qu'il y a moyen de t'appeler ton papa là derrière ou pas ? Oui, mon père, ça sera plus. Ah, parce que ton père, ça le fera plus, on le sait seulement pendant l'émission. Ah, bah, c'est génial. Vraiment, on a toujours peur du père. Je vais envoyer le numéro en message privé. Très bien, on va. Attends, avec Coralie, on va te l'envoyer à Coralie. D'accord, okay. Tu sais quoi, attends, gérer ça, on se fait quel son pour l'instant, François Ziche là? Alors, on va se faire Tini Tempa. Tu connais Tini Tempa, Vince? Non, c'est qui l'anglais là? Mais Tini oui. Tempa, c'est ça? Tini Tempa. Avec Girls Like. Oh là là, Tini Tempa, oh le jeu de mots de ouf. On n'a pas osé. Hein. Je vois très bien laquelle c'est là. Il y a quoi de prévu ensuite pour la suite là, des musiques? Il y a la tablette. Et pour les musiques, tu veux savoir pour les musiques? Attends, je vais te dire naze, ça. Vas-y, laisse tomber, vas-y. Imani, don't be so shy, ok, ça va arriver. Bon, les amis, la tablette a gagné, la Samsung Galaxy View a gagné dans quelques instants sur Fun Radio. Ne bougez pas, ça va être le concours du premier SMS qu'on va m'envoyer au 6322 pour 1€ le message. Et puis on a également le relou style et la ravageau relou style. Ah. Allez, et Kaufman aussi et toute la Belgique ensemble. Bienvenue sur Fun Radio Libre Antenne, let's go. Yeah. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah, tell Russell I'm a rep. Yeah, bust that gang. Ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend. Yeah, and go can cause I can. Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop pass out, everybody loco. I was dropping off the man them at the polo. Now I'm with the man them at the polo. I can make your honey give away your last rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. But the girls like, I know what boys like, I know what they want. They want that good thing, they wanna get some. I know what boys like, I know what they're on. So go ahead and push me right. That's what girls like. Yeah, rolling on the wrist, that's of the year, I'm flaky. Had a couple man won't be me. Them man can't be T. Tell them only winners are allowed. No diggity, no diggity out. I was getting booed before girls were putting out. Told them I was gonna blow back when I was in the south. Go low, go low, everybody go low. Since you want me, she don't want a cocoa. So I made a single back, like she with my loco. And I got a Merc, I ain't got a Volvo. Used to have a black Nokia, it's a Rocco. Now everywhere I go, people want a photo. I can make a honey, give away a lost solo. And I stay show, yo, you know how I roll. But the girls like, pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No Netflix and chill, that's dead. But it girls like, every day you ride with your friends. But it girls like, I don't need your money for my rent. But it girls like, 8.9, I'm a 10. But it girls like, call to your Wi-Fi again. De 20h à 23h sur Fun Radio. Allez, bienvenue sur Fun Radio, on est en libre antenne, comme tous les soirs, 20h, 23h exactement. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial puisqu'on a fait le Love in Fun de 20h jusqu'à 22h. Voilà, Lara, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Mais non, mais en fait, ici, il y a des boutons pour allumer son micro, alors qu'en Belgique, c'est toi qui les allume à ton bon goût. Alors, les gars, attendez, je vais préciser, on a le Françoise, donc Lara et moi, on est à Paris. Françoise, ouais. Kaufmann et Coralie sont du côté de Bruxelles. Ça, là où on fait. Tout, non, sérieusement, je le rappelle pas pour faire mal, pas du tout, vraiment pas. Il faut préciser, il faut situer. Ouais. Par contre, j'entends plus Kaufmann, il râle. Kaufmann? Pas du tout! Ah, ça va, j'avais peur qu'il râle. On va relancer le Pêche tes parents dans deux secondes, alors le Loose Style. On va faire également le mot de la fin ce soir. Alors là, les gars, on va peut-être une surprise. On a peut-être une surprise dans l'émission. Ouais, parce qu'à travers la vitre. À travers la vitre, on voit quelqu'un que vous connaissez. C'est qui? Si les auditeurs arrivent à deviner au 3044, qui c'est, on va. On pourrait éventuellement faire un petit snap. Lara fait un snap, c'est Lara Belle Rose. On va tenter de le ramener. On va tenter de le piquer. De c'est un artiste. Ici. C'est un artiste ou pas? Ah ouais, c'est un artiste. Ouais, c'est un artiste. Un chanteur. D'ailleurs, Ryan qui est le stagiaire. Ryan, ouais. Tu m'entends? Ouais, super. Ouais. Je suis parce que je touche pas la console. Hein. T'inquiète pas. Voilà, et c'est ouf parce que comme l'a dit Lara, en fait, les animateurs et tout ça, les chroniqueurs, ils ont droit à leur petit bouton pour allumer leur mic quand ils veulent. Ça c'est la classe. Ça c'est la classe, les gars. Ça c'est fort. Heureusement qu'il n'y a pas ça en Belgique parce que sinon, ce serait difficile avec Kaufmann. Le seul bouton qu'on a, c'est le siège éjectable, tu vois. C'est vrai. Alors Ryan, tu vas tenter de nous le choper après. Bah, écoute, ils ont une pub dans quelques minutes. Ils ont 5 minutes de pub. Je pense qu'on peut essayer. Tu vas juste chez lui et regardez. Écoutez la star. Tu vas juste chez lui. Tu lui dis, il y a Vince de Fun Radio à côté. Ok. Tu dis, il y a Vince qui est à côté. Tu vas voir. Tu lui dis, Vince, tu lui dis à Vince. Okay. Alors lui peut-être qu'il va penser à Vincenzo de la psychiatre de la rime. Après tu lui dis. Ah voilà. Oui, c'est qui c'est moi. Ah voilà. J'ai trouvé. J'ai donné des indices. Oh, ouais. J'ai donné un indice de ouf. Ouais, alors, tu j'ai dis, trouvé. Ouais, Vince de Fun Belgique, Vince d'Alibrantin, tu vas voir. Il est okay, là celui-ci. Là-bas. Ah il est là celui-ci. Bah attends, vous allez voir les amis. Vous allez savoir oh, ça non, tout de suite. Oh non, moi j'ai trouvé aussi non. Même. Non, mais, bah, il est dégoûté. Oh, oh non, pas lui. Ah non, je suis dégoûté de pas être là. Pour le voir. Désolé. Bah t'inquiète pas, on va s'arranger. Bon, en attendant, les amis, alors est-ce que ça arrangeait avec Laurence concernant justement notre petit problème de maman qui s'en bat les roubignoles? On va appeler le papa. Ah très bien, Laurence, tu m'entends? Oui. Ah très bien, deuxième partie, on va relancer le Pêche tes parents, on va y arriver, on appelle ton papa cette fois-ci, j'espère que ça va décrocher. Ouais. Et je vous rappelle vos messages. Parce que j'ai pas eu de réponse au SMS. Ah, bah, okay. Ma chérie, tu sais quoi, s'il décroche pas, c'est pas grave, on aura au moins tout essayé. Dans cette émission, on essaie tout jusqu'à la fin, y'a pas de problème. Ça décroche, ça décroche pas, c'est pas grave, ça vient du cœur. On y va, on appelle, c'est parti. Ok, on appelle, c'est parti. Tu veux lui parler ou pas, Vince? On laisse Laurence? Non, on laisse Laurence, gérer ça au début. Très bien, ça sonne alors. Il est bon ce barbe, il est fort, hein. A décroché. Ah, répondeur direct. Non, il est moins fort là. Bon, c'est pas moi. c'est pas grave. Bon, bah désolé, Laurent, on sera pour une prochaine fois. Oui, désolé. C'est pas. Ah bah écoute, c'est pas grave, on aura mis 38 minutes sur ça, mais pas de soucis. Allez, bisous ma chérie, à bientôt. Oui, bisous. Merci. Alors attention, toute fin d'émission les amis, enfin toute fin d'émission, on va faire ça plus ou moins dans 6 minutes. On va lancer le concours de la Samsung Galaxy View à gagner. Elle fait 18,5 pouces, elle coûte 650 €, ouais. C'est une tablette à gagner ce soir au premier message qu'on va recevoir. Wow. Faudra être extrêmement rapide, je compte sur vous. En attendant, on va passer à se mettre en mode Relustyle tout de suite. Relustyle sur Fun. Ouais. Alors, okay. Le principe est simple. La reine fait signe, ah pas moi. Je m'en si, si, si, si. Non, parce que le truc, c'est que pour le relou style, ce qui fonctionne, c'est d'être Franzosich. C'est tout. Eh ben rentre dans Franzosich. Mets-toi dans la peau de Franzosich. Calme-toi. Non, et même l'inverse n'irait pas. Mais si, tu penses français, vu que t'es à Paris, ça devrait aller maintenant. Ouais, vas-y. Voilà. Bon, les amis, on va lancer le relou style tranquille et on va commencer avec... Kaufman, tiens. Ah, Kaufman, le héros. Le héros, le zéro. Ben non, dis pas ça. On a... Alors, le principe est simple du Relustyle. On appelle un restaurant, ouais. Un restaurant au hasard, et c'est le premier animateur qui arrive à l'énerver. Vous pouvez voter pour vos animateurs préférés au 3044. Ouais. Alors, quand je dis pourquoi préféré, parce que si l'animateur pour lequel vous avez voté, à qui vous avez envoyé le prénom, eh ben gagne, eh ben c'est vous qui allez repartir avec des cadeaux. Exact. Attention, c'est parti, on commence avec Kaufman. Ok, c'est parti. Ah, ils ont pas ça en France, bon, hein. Ils ont pas Kaufman. Ils ont pas Kaufman. Ah, non, on n'a pas Kaufman, on n'a pas Smart Toys. C'est vrai. On a des qualités en Belgique, vous oubliez pas ça. Allez, Kauf. On n'est pas le petit pousset, on est des grands. On est grands dans l'âme. Parti. Allô. Bonsoir. Allô, bonsoir. Dites-moi, j'ai mangé ce soir chez vous, je me sens vraiment pas bien. J'ai vomi 4 fois. Donc, j'aimerais parler au patron, s'il vous plaît. Vous êtes de quelle adresse? Non, mais peu importe mon adresse, on s'en fout. Moi, je te dis que j'ai envie de parler au patron parce que je me sens pas bien, là. Oui, mais par rapport à ça, je veux voir. Attendez, je vais vous parler. Non, mais et faites allô, vite, là. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Dites-moi, j'ai mangé je sais pas quoi, c'était dégueulasse et maintenant, je me sens pas bien. Donc, ce oui, que allô, je vais faire... C'est... Allô? Oui, je vous écoute, monsieur, voilà. Oui, c'est de la merde, votre restaurant. C'est ça que je veux dire. Et demain, je vous envoie l'inspection. L'inspection okay. sanitaire. Okay, non, mais gros connard, arrête de me prendre de haut. Mais monsieur, excusez-moi, vous êtes. Non, je t'excuse pas, j'ai la chiasse maintenant à cause de toi. Et d'ailleurs, tu me fais chier. Ok, ça va alors. Non, mais rigolez pas, c'est pas drôle. Mais on rigole pas. Moi, je vais au restaurant, je fous ma merde. C'est le cas de le dire. Ok, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, monsieur? Vous allez essuyer ma merde. Ah bon? Non, non, mais franchement, vous avez pas honte ou quoi? Votre resto, servir d'une merde pareille à vos clients. Ah bon? Vous voulez que j'arrive? Oui, vous pouvez arriver, monsieur, pas de problème. On va régler ça quand entre hommes ou quoi? Ok, comme vous voulez, monsieur. Ah non, je peux pas venir tout de suite, il y a votre femme qui dit que je dois rester. Ah ben écoute, comme vous voulez, on est là. Pas de problème, si vous voulez passer. Sinon, vous pouvez envoyer l'expert, vous pouvez envoyer qu'est-ce que vous voulez. On est là, on travaille, ça fait 10 ans qu'on est là, on n'a jamais eu... peut-être que vous avez mangé autre chose entre-temps. Ah, j'ai un truc à vous dire. Chose. J'ai un truc à vous dire, votre femme vient de jouer pour la première fois. Pardon? Votre femme! Elle oui. vient de jouir pour la première fois. Mais jouir, je... Je connais pas le mot. Jouir. Ça fait plus d'une minute. Ouais. Je pense que vous avez... Allez hop, j'arrête. J'ai tout essayé, j'ai mis toutes les techniques, ça a pas fonctionné. On rappelle le main, mais c'est moi qui m'y colle. Allez, c'est parti. Ouh là là, je suis chaud. Je me parle à la troisième personne, t'as vu ça, je suis chaud. Ouais. Bien essayé, hein. Kaufman. Bien essayé. C'est parti. On rappelle, ça va sonner dans le standard. Parti. Vin, je vous trouve génial, continuez comme ça. Par contre, moi, je me suis cassé la clavicule. Oh purée. Et c'est possible de plâtrer ça? Non, je crois que tu dois laisser faire tout seul, je crois, non? Ah, c'est la chaud. Clavicule, il me semble que... Allez. Enfin, je suis pas le doc non plus, hein. Ouais, excusez-moi. Merci, doc. T'as pris tes habitudes, hein. Alors, est-ce que ça décroche? Oui, c'est parti. Bonsoir. Non, mais hey, tu me casses les couilles, passe-moi le patron. Vous, c'est qui d'abord? Toi, je vais pas te dire qui je suis. Moi, pas parler à toi, parce que toi, pas comprendre. Donc, toi, passer patron. Toi, pas comprendre. Eh, hey, toi, passé patron, toi, comprendre ce que je dis ou pas? Ah, raccroché, oh, Vince. Ah, là, là. Ils sont pas faciles, ceux-là. Raccroché. Ouais, non, ils sont nazes. On essaye un autre. On essaye un autre. Et c'est Franzosich. Oh, putain. Bah lui, alors le jeu est fini, c'est bon. Pas forcément. Un jour, ce français n'y arrivera pas, tu verras. C'est vrai. Il est français, ne l'oublie pas. Ouais, ouais, il faut pas oublier. Il dit pas trop fort, la hauteur. Il aurait été dans son élément, ici. Quel con. Mais ici aussi, il est dans son élément, il y a sa femme qui est là, elle profite que tu sois pas là. Allô? Oui, bonsoir. Ouais, c'est toi le connard que j'ai eu tout à l'heure. Pardon? C'est toi le connard que j'ai eu tout à l'heure. Oui. Ouais, c'est toi le gros connard. T'es vraiment. Toi, si je t'attrape, je te jure, je te défonce. Comment? Je te défonce. Qu'est-ce que ça raconte, toi? Tu m'entends ou pas? Oh, connard, tu m'entends? Connard. Ouais, connard, tu m'entends? Moi, fils de pute, je travaille à faire, va. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu m'insultes de fils de pute, toi? C'est gagné! C'est gagné! Il a un talent, ah, tu vois, c'est inné. Hein. Il l'a fait. Eh, t'as vu, Barbet, je suis le seul à applaudir pour toi. Les couilles qui ont rallié, Copain, il a haine. C'est gentil, voilà. Merci. Hein. Bravo, bravo, bravo! Merci. Bravo! Bien joué, merci. Voilà. Y a rien à faire, ce mec qui arrive tout le temps, mais c'est ouf quand même. J'énerve les gens. Il s'entraîne sur sa femme aussi, beaucoup. Hein. c'est ouf quand même. Attendez, y a Ryan qui revient là, le standardiste du Love in Fun de Fun France. Alors, le staff de Soprano est d'accord déjà, donc on va aller voir pendant la pub. Il part en pub dans quelques minutes. D'accord. Eh, c'est bon ça! Ah bah vous, bah, le bah c'est Soprano moi, maintenant. Au moment où il l'a dit, je me dis dans ma tête, ok, bah peut-être que personne l'a capté. Kaufman, qui était obligé de la ramener, genre, ah bah c'est Soprano. Non mais Ryan est venu en France quand même. Hein. Je vous explique donc. Donc la Libre Antenne, on l'a fait pour l'instant, et c'est ça qui est magique. Depuis un endroit où techniquement on a toutes les stars au périmètre. Alors j'ai Mister V qui m'a envoyé un message, il m'a dit Vince, est-ce qu'il y a moyen de venir? Mais il a pas le temps. Je lui ai dit, écoute, ouais, mais on termine l'émission dans 20 minutes. Enfin, ah putain, je suis en tournage. Il se la pète. et tout ça. Et donc, du coup, bah, c'est le grand des hasards. Donc, il y a l'autre émission qui reçoivent, donc pour la France, hein, qui reçoivent Soprano. Ouais. Et donc, du coup, bah, on va tenter de l'avoir un petit peu avec nous. Donc, on peut lui faire un petit relou style vite fait là. Ok. Toi, génial. Un petit relou style improvisé. Mais tout d'abord, les amis, mets-moi une musique qui met la pression, s'il te plaît, Françoise. J'ai intérêt à trouver une musique qui met la pression. Batman. Vas-y, mets-moi Batman dans le cartouchier. C'est fait. Voilà. Mais cet homme est fort. Cet homme va prendre son métier. C'est très bien. Les amis, il va être temps pour vous maintenant de repartir avec votre Samsung Galaxy View. Ouf. Une tablette qui coûte 650 boules. Oh ouais. là. Un bon mi-temps ou un temps plein pour ceux qui travaillent sur Fun Belgique. C'est ça. Voilà. Et certains de Fun France, hein, pas se cacher. Bon, bref. Les amis, tout de suite, la Samsung Galaxy View a gagné. Comment faire? C'est très facile. Vous allez prendre votre téléphone. Ouais. Et la première personne qui va m'envoyer Galaxy avec son prénom au 6322 va gagner. Okay. Attention. C'est quand Lara le décidera. Oh! Mais pas avant. C'est Galaxy avec un Y ou un IE? C'est avec un Y. D'accord. Galaxy, espace, votre prénom, 6322 pour 1€ le message. Attention. Le premier message qu'on reçoit gagne sa tablette. C'est tout si simple que ça. Il n'y a pas de le deuxième, le troisième, c'est le premier. C'est une question de vitesse. Donc soyez derrière votre radio, ce qui est normal. Si vous êtes au volant de votre véhicule, posez-vous sur le côté. On va pas risquer des accidents, on va rien risquer là ce soir, tout va bien. On est tranquille. Prenez votre téléphone, vous écrivez déjà maintenant Galaxy, que vous envoyez pas tout de suite. Vous écrivez en espace votre prénom et à A, au-dessus là, je vois quoi, à qui il faut envoyer 6322. Lara, oui. Quand tu le décides. Mais quoi, comme ça là maintenant? Ça peut être maintenant, ça peut être dans 2 minutes, ça peut être dans le morning des vannes demain matin. Pas abusé quoi. Voilà, pas de soucis. En tout cas, ça doit être dans les 17 minutes. Dans les secondes qui viennent, j'ai envie de te dire. Ah, dans les secondes qui viennent. Oui, dans les secondes. C'est une question de vitesse, là, attention. Allez, Lara. Bonsoir. Bonsoir. Demain, c'est ton anniversaire, Lara. Ah oui. C'est mon anniversaire. Oh là. Alors, je propose que, par exemple, tu me dises. Non, par exemple, ce sera un mot que je vais prononcer. Ouais. Ensuite, on parle. Et tu essayes de me faire prononcer ce mot et moi, je parle normalement. Quoi? J'ai rien compris à tes jeux d'Atello là. Mais choisis un mot, genre c'est comme le si pas bien par exemple, tu vois. Ouais, ah oui, d'accord, genre, ok. Choisis un le mot. Si pas bien de Mike Open Space. Donc, je ne peux pas dire quoi? Tu peux pas dire si. Non. Tu peux pas dire si, pas non, bien. On va faire un ni oui ni non. Ok, okay d'accord. Dès que je perds. Ni oui ni non. Oh, j'ai peur. Ok, très vas-y, bien. Vas-y. Bon, ça va Lara? Ça va. T'as passé une bonne journée? Très bonne. Ah, parfait, t'as fait quoi de beau? Je me suis promenée. Ouais. On a été à Fun France, on y est encore. Ils sont cool les gens à Fun France? Très top! Ouais, ouais, t'as eu une bonne expérience? Génial! Laquelle? Bah, celle d'être. Ta meilleure expérience, t'es avec qui? Bah, avec toi! D'accord, Ça va, ça, Yonk! Ouais! Merci les gars! J'ai trouvé ça aussi un peu bizarre. J'ai pas dit le mot, j'ai dit un mot un peu pas pareil. Si, t'as dit oui, t'as dit oui! Non! D'accord. Ah! Elle a dit non! C'est maintenant! C'est gagné! Envoyez maintenant, allez-y! C'est parti, elle a rien qui est. Genre, j'ai pas dit non. Pas dit non. Et

Vince, c'est comme une tartine de Nutella. C'est vous dire s'il est bon. 20h-23h, Vince sur Fun Radio. Et les gars, on a quelques secondes, bienvenue sur Fun Radio. Son bravo, la psychiatre est là. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Tiens, je suis venu vous faire un petit coucou vite. T'es un tueur parce que t'es en deux émissions en même temps. Tu vas retourner de l'autre côté vite fait. C'est ça, voilà. Juste, je suis venu vous faire un petit coucou, c'était obligé. Quel homme. Voilà, je vous fais plein de bises. On se voit à Couleur Café bientôt. Voilà. Et on vous envoie du nouveau son et plein d'autres trucs. On s'arrange en antenne pour que tu passes en Belgique tranquille dans l'émission. Et merci, Sopra. Ciao, ciao. Merci à toi. Et les gars, c'est rapide de ouf. On jongle. Et je vous jure, on jongle avec deux émissions et tout ça. On aurait pu l'avoir un peu plus longtemps, mais je pense que ça pue trop tôt, c'est ma faute. C'est ma faute. Non, mais on n'a pas envie de parasiter Mario Nanzio qui font l'émission pour la France tranquille, donc ça on respecte. Parce qu'on est en live depuis Paris, pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas on a fait Love in Fun avec le doc, le format de l'émission Love in Fun. Bah, pour ceux qui le connaissent, il adore Barbet, le François Zichin, on parle de sexe, il adore, c'est son émission préférée. Bah, il a pas arrêté de se masturber pendant l'émission. Il y en a plein à la table. Et donc du coup voilà, il y a Soprano qui était dans les studios de Fun France. On s'est dit bah c'est cool, il faudrait qu'il vienne parler un petit peu avec nous. Ça a été super court. En tout cas on va se débrouiller quand il va venir à Couleur Café pour qu'on l'ait en même temps sur Fun Belgique. Ça va? Oui, ça va. Tu dis ça à qui? Mais non, mais je dis ça à la Belgique. Ah, ok. Et donc la Belgique répond Vite, s'il te plaît. Je dis ça à l'avance, comme ça vous pouvez réserver vos tickets pour rester avec nous dans le studio. Et comme ça vous pouvez faire un check à Soprano. Quelle bonne idée! Normal. Bon, les amis, dernière ligne droite de l'émission avant le mot de la fin. J'avais prévu un relou style en plus, mais malheureusement, ça n'aura pas le temps. Qu'est-ce qu'on a à suivre du coup, le Françoisie? Alors, t'as la gagnante de la Samsung Galaxy View. Non, il me dit ça. Alors, t'as le choix. Tu préfères quoi? Un petit steak haché? C'est ça, tartare, comme tu veux. Elle s'appelle comment, notre chérie, la gagnante? Élise. Bonsoir, Élise. Bonsoir, Vince. Bonsoir. Quelle belle voix, ça va Élise, tu vas bien? Ça va bien et toi? Écoute-moi, ça va toujours, ça va très très bien là, tranquille. je suis à mon aise parce que je sais que les 350 km de retour, c'est Lara qui va se les taper puisque moi je dors meilleur. D'habitude, mais cette fois-ci je vais pas te tuer. Hein. Non, hey, alors je dois vous dire un truc, Élise, Françoise Kaufmann et Coralie, il s'est passé, les auditeurs, je crois qu'en l'espace, et c'est pas une blague, c'est très très sérieux, en l'espace de quelques kilomètres. Je suis vraiment désolée. Jamais je m'ai cru que j'allais mourir autant avec Lara. Tout d'abord, c'est pas une blague. Tout d'abord, elle vient me chercher. On arrive à un rond-point. Elle respecte pas le rond-point. C'est un rond-point avec des trams qui passent au milieu. C'est quoi ce rond-point? Excuse-moi. Et la meuf, c'est pas clair. Il y a le panneau rond-point. Ouais. Elle a coupé la priorité de quelqu'un. Ouais. Je vous promets. Elle a failli nous rentrer dedans. Première mort évitée. Ouais. Heureusement, la personne a freiné. On continue un petit peu plus loin. On doit trouver l'autoroute. Lara s'est perdue un peu. Non, et à un moment donné, c'est toi qui as mal lu ton GPS. Et à un moment donné, elle regarde le GPS qui lui fait de tourner à gauche. Elle tourne et c'est pas une blague. Elle prend la rue à contresens. Non. Oh. Je vous jure, je ne l'ai pas prise. Tu l'as pris. Et pour moi, je mathématiquement, t'ai posé la question. Oui, tu m'as posé la question, mais t'étais déjà engagé dans la rue. Deuxième fois, on a évité la mort. Ensuite, on arrive bien sur l'autoroute. Tout va bien. Jusque-là, je crois qu'il n'y a pas eu de problème de grimper sur l'autoroute. Si, le camion. Oui, c'est en grimpant. Alors, en grimpant sur l'autoroute, elle n'a pas regardé son angle mort. Elle n'a pas regardé. Non, c'était après. L'angle mort, c'est après. Non, parce que, avant ça, il y a eu le elle camion. Elle n'a rien regardé. Écoutez, moi, c'est très simple, les mecs. Je pensais que Barbet était le plus mauvais conducteur de la Terre. Ah non, pas du tout. C'est pas François. Non, tu peux pas dire ça. Alors, parce que franchement. Lara, j'ai pas fini. Excuse-moi, parce que quand je vais expliquer que tu as pris l'autoroute et que tu es monté sur la bande qui se trouve la plus à droite, que t'es monté dessus, la bande de droite quoi, que t'es monté dessus sans regarder et que le camion qui a klaxonné il a failli nous choper. J'avais eu le camion, c'est juste qu'il voulait pas me laisser passer. Je me permets troisième mort évitée. On arrive en France, parce que là on était en France, je me dis bon ça va, Lara est dans le bain et tout ça. Pas du tout, il y a un moment donné, elle surveille de nouveau pas sa priorité de gauche et une voiture qui passe comme ça. Elle est en train de changer de bande. Je sais pas ce qui s'est passé, elle a pris un café, tout s'est bien passé. Oui, c'est peut-être mieux que tu rentres en cercueil directement. J'aimerais bien que tu rétablisses quand même la vérité parce que ça c'est assez exceptionnel. La vérité. J'aimerais bien que tu rétablisses la vérité. On a déjà pris la route plein de fois. Ouais. Toutes les autres fois. Est-ce qu'il y a eu un seul incident? Oui. Est-ce que j'ai... Non, c'est pas vrai. Non, allez, vrai, franchement, j'avoue. Après, ils vont croire que je suis nulle. Lara, tout ce que je veux dire, c'est que t'as tout rattrapé ce soir. En attendant, Elisa, Elise. Alors ma chérie, oui, je t'entends. Tu te doutes bien pourquoi tu passes à l'antenne. La Galaxy Tab. La Galaxy Tab. Ta View. À mon avis, elle a pas écouté ce qu'on lui a dit. La Galaxy View. Ta View. La Galaxy View. C'est encore mieux. C'est une tablette. Je vais te dire un truc. C'est encore bien mieux, comme l'a dit Kaufmann. Eh ben, devine quoi? C'est gagné. Bravo. Ouais. Trop bien. Merci l'équipe. Bravo. ça fait mal, 650€ enlevés sur le salaire. Ouh là là, ça fait mal. On te fait un tout gros bisou, ma chérie. Profites-en bien de ta tablette. Merci beaucoup, Vince. Bisous. Avec plaisir. Bye bye. Bisous à toi, bye bye, porte-toi bien. Et on a quoi, on a quoi maintenant, Françoisie? Alors normalement je dois passer une musique, Vince, donc tu m'arranges pas à cette heure-là, tu vois. Oh là là, ah oui c'est vrai, on a Imani avec Gaby Sochai. Bon, tu la mettras demain. D'accord, si tu veux. Bon, il te reste 4 minutes. J'ai eu mon lot de rigueur, de respect des titres, de respect de tout là, pendant 2 heures, c'est bon là, on va faire un petit peu de freestyle. Donc Imani, tu le mets demain. Ok, très bien, on salue, le mets demain. On salue Oli. J'ai déjà oublié, tu vois. On salue Oli, le programmateur de Fun Radio, il m'en voudra pas, on le salue. Ouais. On le salue. Et vous savez quoi, juste pour le coup, est-ce qu'on peut pas se rappeler Dominique vite fait? Ah, tu veux essayer de rappeler Dominique? Essayez, juste pour la blague, essayez. Mais je veux que ce soit Kaufman qui s'y colle. Ouais, d'accord. Parce que j'ai entendu que tu te faisais passer pour moi tout à l'heure. Ah ouais, on a entendu. Ouais, la vérité, bah, il a dit Patrick, hein, j'y peux. Ouais. Fallait bien que je rattrape le truc. Hein. Alors attention, d'ailleurs, il y a eu plein de messages de Français qui ont dit « c'est qui Patrick ?» Donc faut dire que c'est une star. Alors, on va voir s'il décroche pas, ouais. Bah tant pis. Hein. Ok, c'est Kaufman qui s'y colle. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y aura un mot de la fin après? Ah, ouais, ouais, on va non, le faire. Ah. Ça va être à 23h30 peut-être. Ouais, c'est ça. Au passe-passe. Mais en fait, on peut remettre. Ah non, il y a Mike. Oui, il y a Mike. Le pauvre Mike, il a été oublié par là. Allez, Dominique. Non, mais... Parti. D'habitude, on le voit dans le studio. Attention. Allô? Allô? Allô? Oh, il a raccroché direct. Le mec, il a raccroché cash là. Non, mais ouais. Il a pas entendu. Il a pas vraiment décroché. Attends, on rappelle. Hop. On rappelle, vas-y, c'est parti. Rappelle un coup. Ouais, c'est parti. Allez, Kaufman. Lance. Allez, ça va sonner, Kaufman. Vas-y. D'accord. Kaufman, c'est bon. Ouais. Parti, ça sonne. Il me dit que ses enfants le rendent compte. Allez. On est piraté, comme toujours. Comme toujours. Toujours piraté. Jamais égalé. Bonjour. Oh là là. Vous êtes en contact avec la boîte à messages de. On va essayer une fois ou pas? Ah, tu veux réessayer? Réessaye une toute dernière, la dernière. Vas-y. Bah, ok, c'est parti, on réessaye. Jamais 203. Il faut le choper, lui. Oh, je suis déçu, je suis triste, je suis attristé. Ouais. En plus, je voulais lui vendre des meubles, vu qu'il y a des inondations, je veux tout évacuer vite fait. Merde, dommage. Allez, on va voir s'il répond. Les gars, on m'a dit dans l'oreillette qu'il y avait un bon argument. On peut l'appeler en démasqué depuis la France. Ah bon? Ah bon? Ça, c'est intéressant. Ah, c'est pas mal ça. Alors. Il a peur de masquer, mais il a l'habitude, il s'en fout de masquer ou pas. Il s'en fout. Bonjour. Vous êtes en contact. Répondeur. Dommage. Je suis sûr que le mec, quand il prend son téléphone, il voit écrit appel masqué. Il se dit, ah, il y a un mec, j'ai appelé masqué dans mon téléphone. Il y a un gars. C'est voilà. Ça, ouais. Bon, bah malheureusement, ce sera pour demain, pour l'anniversaire de Lara. Oui. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah, en attendant, les amis, mot de la fin. C'est parti. On se fait plaisir. Allez. Vas-y. Mot de la fin. Vas-y. Je l'ai pas le jingle. Vas-y, Vincent. Fais-le. C'est le mot de la fin. T'as la musique au moins, t'as la musique ou pas? Tu veux laquelle? Le maillon faible à droite. Le maillon faible à droite. Elle est à droite, ouais, elle est à droite dans le cartouchier. La vérité, vous me faites pitié, hein, les gars. Non, je l'ai pas, Vince. Non, mais t'es naze. Bah, tu l'as pas mis. Attends, je vais te mettre une autre musique. Bon, c'est pas grave. Qui veut gagner 10 millions, c'est bien aussi. Voilà. Non, c'est pas celle-là. C'est pourri, hein. Mets-moi Batman alors, vas-y. T'as est relou, lui. Et dire que je le paye, c'est incroyable. Eh oui. Voilà, ah bah c'est bien ça, c'est sympa, c'est mieux. Ah, tu vois. Bon les amis, j'ai un mot en tête, la première personne qui trouve le mot que j'ai en tête gagne. On a quoi offrir, Kaufman, s'il te plaît? Écoute, j'ai ramené des goodies Overwatch. Vous avez un kit complet avec le vinyle, c'est-à-dire la bande originale du jeu. Vous avez un lanyard pour mettre autour du cou et plein de goodies. Tout ça dans un pack. Eh ben bien, c'est bon ça, c'est bon. Voilà, je salue Ludo qui m'envoie un message. Bah, qu'est-ce qui se passe là? T'avais la rigueur française et tu recommences, tu passes pas le son d'Imani. Ah, tu vois, ouais. Ludo, c'est mon consultant, je le salue. C'est ton consultant privé ou pas? Alors, vous pouvez caler le son d'Imani s'il vous plaît? Trop tard, il est 23h. C'est gentil. Ouais, tu mets le hook, tu vois. Tu mets et le refrain. Voilà, c'était le mot de la fin. Mais de la toute fin, tu vois. Ouais. Voilà, bon, allez, les amis, c'est parti, mot de la fin. Ça va être rapide. J'ai un mot en tête, première personne qui trouve gagne. Vous les proposez au 3044. Voilà. Je dis si c'est chaud, si c'est froid. Ouais. Autour de la table. 10 secondes. Et on commence avec Coralie. Vas-y, Coralie. Voiture. Voiture, c'est froid. Après, c'est moi, parce que moi, je suis assise à côté de Coralie. Oui, c'est vrai. Alors, science. On fait dans l'ordre de la table. Vas-y, Coralie. Allez, propose quoi? Non, moi, je m'appelle Lara. je bug. Un casque. Un casque, c'est froid. Science. T'as proposé science, c'est froid, science. Barbet. Je dirais. Eau, c'est froid. Ok. Humain. C'est froid. Musique. Radio. Ah, pardon. C'est froid. Musique, c'est froid aussi. Ouais. Ok, allez, je dirais. Françoise, il est long. Vérité. Ouais. Vérité, c'est froid, malheureusement. Ouh là là. France, c'est froid, non, c'est froid. La fin. La fin, c'est froid. Comme le mot de la fin. Du bois. Du bois, c'est froid, les gars, c'est froid. Oh putain, c'est vachement dur ton truc. Personnage. Allez. Personnage, laissez-moi réfléchir. Non, c'est froid personnage. Mot. Mot, bah oui, c'est un mot bien sûr qu'on cherche. Hein. Au 3044, on m'a proposé informatique. Eh ben, c'est chaud. Okay. Informatique est chaud. Logiciel. Brûlant, logiciel. Brûlant. Okay, c'est bon, c'est l'autre alors. Ça commence par un A. Non. Antivirus. C'est froid. Internet. C'est froid. Radio. Ça a déjà été proposé, tu passes un tour. Programme. C'est chaud au programme. Programme, c'est chaud. Logiciel. J'ai déjà été proposé, tu passes un tour. Je dirais souris. C'est froid, on me dit un soft. Oui, c'est un soft qu'on cherche. C'est chaud. Lara. Facebook. C'est froid, Kaufman. Shareware. Il passe un tour. Shareware. Non, je cherche trop loin. Franzosich. Icône. C'est froid. Twitter. C'est froid. Internet. C'est froid, Internet. Ça a déjà été proposé. Ce qui était chaud, c'était logiciel, programme. Application. Windows. Oui, ça peut être chaud. Ça peut être chaud. Windows, brûlant. Allez, brûlant. Système. Chaud. iOS. Froid. Apple. Il y a Vince qui meurt. T'es froid. Hein, Windows, c'était chaud. Linux. Word. Froid. Excel. Chrome. Stop. J'ai entendu Word. Ouais. Il est brûlant. J'ai entendu Excel, il est encore plus brûlant. PowerPoint. La première personne qui m'envoie PowerPoint, j'avais dit plus rien dire, gagne. Première personne qui m'envoie PowerPoint au 3044, allez vite. Bravo Kaufman. Première personne au 3044, genre on est les seuls à applaudir là-bas de l'autre côté, ils s'en battent. Ils s'en foutent. Bon, il y a Mac Open Space qui est là, salut Mike. Oui, bonsoir mon Vince, ça va bien? Ça fait bizarre de ne pas te voir. Et je te vois derrière avec la caméra derrière, regarde merde derrière toi. Ah, je vais penser à la tournée parce qu'on fait des conneries pendant la mission. Hey les gars, il a regardé derrière lui ou pas? Oui. Je l'ai niqué. Bon, ça va Mike? Bah ouais, comment ça va? Je t'ai écouté tout à l'heure, c'était bravo mon Vince. Ah bah bravo, bah écoute je tousse. Je vais t'apporter une serpillière parce que t'as dû te faire pipi dessus quand même. pipi sur moi, pourquoi? Ah, y'a Lara aussi. Ouais, il a fait pipi sur Lara. Coucou Lara. Non, ça va, merci. Non, c'était sympa l'émission à refaire. J'espère que ça va se repasser, ça pourrait être sympa. Inch'Allah. En tout cas, Mike, quoi de prévu pour toi ce soir? Eh ben, ce soir, le retour du Si Pas Bien, je crois, j'ai cru entendre que c'était le jeu préféré de Lara. Le Si Pas Bien qui arrive, on va se faire aussi dans quelques instants. Le gros mytho, toute l'équipe a des anecdotes. Une seule de ces anecdotes est vraie, à vous de trouver la vraie chez vous à la maison. Et puis, plein de choses, plein de conneries jusqu'à 2h du matin, Vince. Eh ben, parfait. T'as un grand bonjour de Marion et Anso, comme ça tu sais. Bah, tu les embrasses, t'embrasses Samir aussi, t'embrasses tout le monde. Ah, bah comment ils se la fait tous ici, quoi? T'as vu ça? Non, mais c'est l'équipe qui est à la même heure que nous. Ouais, c'est la France, quoi. On apprend Tata Rachel aussi, nous. Et Dieu bénisse. Dieu bénisse. Et vous inquiétez pas, je vais vite passer par France Culture parce qu'ils sont intéressés par Kaufman. Je vais filer son CV. Quelle attaque frontale, allez, mon ami. Ah oui, tu l'as senti passer, quel affrontement. Allez, je vous fais des bisous. On est de retour demain dans la libre antenne, mode normal de 20h à 23h. Et puis, bah Mike, bonne émission à toi. Merci, mon pote. À demain. Bisous, ciao. Bisous. La journée se termine. Vos paupières sont lourdes. La lumière vient de s'éteindre. Mais ne dormez pas encore. Un vent de liberté s'engouffre dans votre rue. Il souffle jusqu'à pénétrer chaque recoin de votre chambre, de votre véhicule. Vos poils se hérissent. Votre pouce accélère. L'heure est venue de l'ouvrir. Ne restez pas caché sous votre couette. Levez-vous et montez le son de la radio. Montez-le encore. Encore. Le voisin gueule. On s'en tape. Qui que vous soyez, où que vous soyez, la nuit ne fait que commencer. Total délire, 100% tolérance, Radio Bordel, Mic Open Space, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Eh bah ouais, on est là comme chaque soir. Bonsoir la Belgique, bienvenue tout le monde, 23h04, c'est Tipar jusqu'à 2h du matin, 3h de conneries à la radio, 3h de bordel. Je suis ravi de vous retrouver, j'ai passé une journée... Mais de merde, je vous raconterai ça. Ah putain, non, déjà je me lève ce matin, 500 euros d'impôts. Ouais. J'ai oublié de payer mes impôts, les gars, ils me font une saisie sur salaire. Donc voilà, bah, on pense à vous tous et vous toutes là qui êtes en galère de thunes, en galère de taf. Peut-être on essaye de vous arracher un sourire jusqu'à 2h du matin. Il m'arrivait plein de galères, mais je vais raconter ça sur la soirée. Parce que sinon, on va faire un début d'émission qui va durer 10 minutes. La semaine, ça va être Avatar 3, le bordel. Bonsoir Jonathan, ça va bien? Salut Mike, bah écoute, à skip paraît mieux que toi. À skip mieux que toi, mais ça va pas mal. J'ai rien foutu de ma journée, un peu comme tous les mardis. Ouais, mardi, et comme tous les mercredis, comme tous les jeudis, comme tous les vendredis, samedi, dimanche et lundi. C'est exactement ça, c'est un peu le concept de rien foutre. En hashtag vite vieux tout de suite. Bon, Jonathan qui est là, il y a Zezel également, l'homme de l'ombre qui est de retour et qui a plein de choses à nous raconter. Puisque Zezel, on vous l'avait dit hier dans l'émission, mon petit Zezel qui est l'homme de l'ombre, eh bien, ouais, il a eu sa soirée. Sa meuf est venue me voir en privé sur Facebook. Elle m'a dit, je vais pas te griller. Elle m'a dit, ça te dérangerait pas si Zezel prend sa soirée parce que j'ai besoin de l'emmener à un endroit un petit peu spécial. Où ta meuf t'a-t-elle emmené, Zezel? Donc, elle m'a en fait emmené dans un Visu qui se trouvait à Waterloo, donc au Peanuts. Je sais pas si c'est bon. Ouais, c'est un petit karaoké, ouais. Et en fait, c'est un lieu de rendez-vous pour des gens qui sont libertins. Voilà, mais va droit au but, t'es inscrit sur un site internet libertin. Oui, qui est bellswing.com. Qui a organisé donc une rencontre entre membres et qui a été avec ta meuf qui t'a fait la surprise. Ouais, exactement. Bah, c'est cool. Et on a donc t'as découvert par la même occasion que ta meuf était libertine. Libertine, non. Enfin, je sais pas. Pas encore. On n'a pas encore testé le monde du libertinage. Mais on ta meuf est maligne. Je pense que ta meuf est très maligne parce qu'elle s'est rendue compte que de toute façon t'allais la tromper. Donc autant que ce soit sous tes yeux, quoi. Ses yeux. Je pense que c'est ça, mon petit Zezel. Et t'as d'autres histoires en plus à nous raconter puisque t'es parti dans un club un peu hot. Exactement, le club Cocoon. C'est un club libertin sur BX, pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, on a juste été faire du visuel, quoi. Non, mais tu m'as dit des trucs en antenne, je les balancerai tout à l'heure, mon Zezel, y a pas de soucis. C'est parce qu'il veut paniquer ses futurs plans, Zezel. Bon, allez, 30-44 pour t'envoyer des messages, mon Zezel, file bosser. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. T'es bien passé chez Vince, du coup, t'as bossé qu'une heure, toi, tranquille. Oui, exactement. Bon, alors t'as intérêt à être en forme ce soir, Coralie, le numéro pour t'appeler. Le 02-851-4x0. Yes, aïe, sur les SMS 30-44, il y a déjà un premier message qui arrive. On nous dit aujourd'hui c'est Ramadan. C'est Rimka qui me dit ça. Aujourd'hui c'est le Ramadan, j'ai pas le droit de regarder des fesses. C'est cool parce que j'en ai profité pour découvrir plein de nouveaux visages. Ah oui. Ouais, bon Ramadan, les amis. Si vous le faites. C'est jusqu'à quand ces conneries? Enfin, ces conneries, pardon, excusez-moi. C'est jusqu'à quand le Ramadan? Comment faire une boulette de ouf? Ah là, tu pouvais pas faire Non, mais c'est parce que je dis tout le temps ces conneries, je le dis pour n'importe quoi. Donc c'est jusqu'à quand le Ramadan? Ça dure un mois. Je sais pas la date de fin exacte, mais c'est un mois. C'est ça, ouais, je crois qu'ils doivent se concerter et tout entre eux-mêmes pour déterminer en fonction de la lune quand elle termine exactement. Exactement. Ramadan Mabrouk, en tout cas, les amis, open space jusqu'à 2h du matin. Avec. Comment ça se fait qu'elle est pas là, ma première auditrice, Coralie? Ça y est, t'as rien branlé chez Vince et voilà, c'est Sacha d'ailleurs qui va passer dans quelques instants. Sacha qui est l'auditeur mystère, on fera la nouvelle star de l'Open Space aussi ce soir. C'est prévu assez rapidement mais pas trop quand même. Voilà, puisque certains ont déjà leur poste pour l'année prochaine rue Bayard. C'est ça. Nous, on l'écoutera à la radio. Et enfin, voilà, on sait pas encore, mais en tout cas, on préfère anticiper les amis et on vous donne la possibilité d'être à notre place la saison prochaine. Venez faire de la radio avec nous, on vous laisse 2 minutes carte blanche. Ouais, c'est ça. Pour faire ce que vous voulez, un billet d'humeur, je ne sais pas, un jeu avec nous. Tout ce qui est possible de faire à la radio. À l'issue de votre prestation, toute l'équipe vous donne des notes, les auditeurs aussi chez eux à la maison vous donnent des notes. Ouais. Et vous pouvez repartir avec une montre connectée et peut-être qu'on ira vous pistonner même chez les patrons. Je suis pas sûr que ça vous fasse grand chose, mais on le fera plein de bonne volonté. Bonsoir Sacha. Sacha. Ah putain, ils m'ont encore enlevé les touches téléphone. Ça va Sacha? Ah ouais. Ouais, Sacha. Ouais, bienvenue Sacha dans l'open space. Je te dérange ou quoi? Oh non, ça va, peut-être il y a peut-être un petit bug, ouais, sinon ça va. D'accord. T'as fait quoi aujourd'hui Sacha? Oh, pour l'instant, j'ai testé un nouveau contenu sur GTA, mais sinon à l'aise. Un nouveau contenu sur GTA? Genre tu t'es levé ce matin, t'as dit chérie, aujourd'hui je fais rien, je vais tester un nouveau dos sur GTA. Elle est cool, t'as dit Sacha. Je crois que c'est le rêve de beaucoup de monde de passer la journée à jouer sur des jeux vidéo. Bon, mon petit Sacha, 21 ans à Bruxelles, tu nous appelles parce que tu es l'auditeur mystère de ce soir. Est-ce que t'as un indice à me donner? Dans quelques instants, on va devoir trouver pourquoi tu nous appelles. Ah, exact. Alors bon, vas-y, balance l'indice. Alors ça a à voir avec le sommeil et le sexe. Le sommeil et le sexe. Tu t'es fait violer en fait? Ah non. Non bah c'est quoi cette vanne, excusez-moi. J'étais en train de dévisager ses ailes. Là, je me sentais un regard. Peu seul, là. Ouais, non mais ok, très bien. Ça a un rapport avec le sommeil et le sexe. On doit trouver. J'ai pas compris. On va te reprendre dans quelques instants, Sacha, tu réfléchis mieux et tu nous donnes un meilleur indice dans quelques secondes, ok? Ouais, parce que là c'est vaste, hein. Ok ouais, Sacha. D'ailleurs ça bug un peu parce que peut-être c'est pour ça que j'entends en fait de loin quand vous êtes là et c'est bizarre. Bah c'est peut-être parce qu'on a une nouvelle table de mixage à la radio, peut-être, je sais pas, on va se renseigner en tout cas Sacha. Ne bouge pas frérot, vous tous et vous tout en direct au 02-851-4x0. Et j'ai maté, je me suis fait chier toute l'après-midi. Ouais. J'ai maté Maison à vendre, tu sais, avec Stéphane Plaza là. Ouais ouais. Et en fait je me suis rendu compte un truc. Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes Maison à vendre à l'envers. C'est en fait, j'ai juste un couple qui fout Stéphane Plaza dehors parce qu'il a salopé toute leur maison. Ah ouais, c'est vrai. 02851 4x0, toute la Belgique en entier, chaque soir ici, ramenez-vous, on fout le bordel dans tout le pays d'Arlon à tourner. J'espère que vous avez passé une bonne journée, les amis, on est ravis de vous retrouver et on est là pendant 3 heures pour Fukodawa. Voici Chris Kab et Youssoupha. You know that girl really turned me on. We were on the floor and so much more. Kept moving that away. And we left the club and fell in love. And then I heard her say, let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. But after all, I can't recall one thing. It's on for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion. La Belgique est là aussi ce soir. Ramenez-vous tous ensemble, on fait vivre la liberté d'expression. 02851 4x0. Bim bada bim, open space sur Fun. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike open space. Le soir sur Fun Radio. Et on est tous là ce soir avec Jonathan, avec oui. Coralie qui décroche au 02851 4x0. Coco qui est bien connecté aussi sur la page Facebook de l'émission et sur tout le reste des réseaux sociaux, Coco. Oui, tout à fait. Et on a un message d'Arnaud qui nous dit: je viens de rentrer du travail, quel bonheur de me brancher dans la voiture pour enfin vous écouter. Bah ok, mais on peut aussi rappeler la page Facebook, comment on fait, oui, pour y accéder, Coralie. Mais t'as pas l'air bien du tout ce soir, hein. Non. T'as l'air complètement à côté de la plaque, ma chérie. Non, ça va, pardon, excuse-moi. Bah, la page Facebook, c'est Mike Opuspace. Vous pouvez nous rejoindre pour parler avec nous et nous envoyer plein de messages que je lirai à l'antenne. Ou alors le Twitter Mike Fun Radio, Mike vous suivra juste après l'émission. Ou encore le Snapchat Mike Opuspace pour suivre tous les coulisses. Voilà, c'est parfait, Coralie qui est pas bien ce soir. Coco, t'es encore malade, Coralie? Hier t'étais pas bien. Non, ça va. Ok, un jour une excuse quoi. Hein. Non, mais j'ai super chaud en fait là. Bah mets la clim, c'est vrai qu'il fait, il fait une chaleur dans le studio et puis il a fait une chaleur dans toute la Belgique. Attends, aujourd'hui, c'était impressionnant. Je crois que vous avez vu Ragnagnar, les gars, j'ai bon là dans le studio, il fait bien. Ah non, il fait super chaud dans le studio de Fun. Il y a Get Lucky qui arrive, tiens, dans quelques instants, le son des Daft Punk. En classique, s'il y a un son que vous voulez vous caler ce soir, vous m'en faites la demande, les amis, au 30-44, il n'y a pas de souci. Je peux changer la prog musicale à la dernière minute pour vous. Je vous cale du Maître Gims tout à l'heure, là. Le nouveau Zoom Zoom, il y aura Big Flo Oli. Bien ça, Big Flo Oli. Allez, Daft Punk arrive tout à l'heure. Et notre auditeur mystère, c'est Sacha, qui est toujours là dans le standard. Sacha, Romec, 21 ans, Bruxelles. Bonsoir. Oui, Sacha, amateur de GTA. Tu nous as dit bonsoir il y a deux minutes. T'as fumé, Sacha? Oh non, peut-être qu'il fait un peu chaud, comme dit Coralie, mais sinon ça va. Je ne te crois pas sur parole, Sacha, et on va commencer cette émission par un chitotest. Tu sais que le chitotest, c'est un instrument, on est les seuls à l'avoir dans toute la Belgique, sur toute la bande FM. Et cet instrument nous permet de déterminer ton niveau de fonce-dé. Ah. Ah, t'es dans la merde, là. T'es sûr que tu veux pas changer ta version des faits? Si tu veux. Bon, vas-y, souffle dans ton téléphone. Souffle dans ton téléphone, on va vérifier. De toute façon, je ne fais confiance qu'au chitotest. Bravo. Oh putain. Mauvais, putain. Ils sont déconnés. On n'arrête pas de le dire. C'est caca, c'est boue, c'est dégueulasse. C'est pas bien, Sacha. Plus tu parles devant toute la Belgique et t'es dans cet état-là, je ne te félicite pas, frérot. Bon, allez, est-ce que t'as réfléchi à l'indice? Pour, oui. Pour qu'on puisse trouver pourquoi tu nous appelles, parce que c'est ton cadeau qui est en jeu quand même. Alors dis-moi. Alors, je vais plutôt dire un terme, tu vois. La sexomnie. Et bah alors, qu'est-ce qu'il y a la sexomnie? Bah, ça a un rapport avec le sommeil et le sexe. On vient de le dire, donc je rajoute un mot. Mais je comprends rien, Sacha, pourquoi tu nous appelles. Tu me sors un mot et la sexomnie, ça arrive comme parce ça. Parce que quand je dors, voilà, il y a quelque chose. C'est que je me réveille. Bon, attends, je crois qu'avec mes oreilles, j'ai capté Canal+, je peux faire la traduction. En fait, je crois que quand il dort, il a atteint de la sexomnie. C'est ça que tu veux dire? Oui, donc voilà. D'accord, et qu'est-ce qu'on doit deviner dans, dans le fait que t'es atteint de la sexomnie? Ben, que ma copine n'aime pas ça. Quand je me réveille et que j'ai envie de ça, tu dois deviner ce que c'est. Hey, Sacha, t'as pas l'air bien là, frérot. DJ, on comprend pas, on est en train de se regarder dans les studios, on ne comprend pas ce que tu veux dire, Sacha. Je te souhaite une bonne soirée, Sacha. Bah ouais, à bientôt, frérot, dans l'émission, tu reviens quand tu veux, 02851 4x0. Bon, dans quelques... on va reprendre un nouvel auditeur mystère dans quelques instants. Alors, et puis Céline, on va la récupérer, 25 ans. Alia, j'ai l'impression qu'on fait le meilleur début de l'émission de tous les temps. Mais ça va décoller, je crois, Mike. Ça va décoller. Inch'Allah, ouais, ça fait 8 mois qu'on dit ça en même temps. Les auditeurs, voilà. Écoute, laisse le 1er juillet arriver, ça va décoller. Si les Daft Punk, Pharrell Williams, c'est Get Lucky sur Fun Radio, on est en direct jusqu'à 2h du matin. Putain, ça commence bien. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning.